Décision de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Hi-ha! Si je trouve un boulon sur la console, est-ce que je pense que le boulon va faire que la console va se défaire en morceaux dans 2-3 minutes? J'espère pas, sincèrement. Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à la fin de l'émission? Je le souhaite. C'est ce qu'on souhaite tous. Et on va savoir d'ici la fin de l'émission si nos numéros sont toujours là. C'est comme un genre de lien que j'aurais pu faire l'introduction et l'accueil. Comme dans bonjour et bienvenue au palmarès, c'est fou, tu sais. Ben oui, ça a été efficace. Si ça avait été dans l'ordre, j'aurais pu faire l'introduction, après ça, parler du blond, puis là, après ça, faire un lien vers le numéro 1. Oui, t'aurais pu faire ça. Mettons. Donc, c'est palmarès, c'est fou pour la semaine du 3 au 9 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandra Carignan. Bonjour, Alexandra Carignan. Bonjour, Mathieu Plante. 7 jours, c'est long entre deux palmarès, hein? Ah ben ouais, aujourd'hui, à l'émission, on va avoir 6 nouvelles entrées. Du côté anglophone, je vois dans ma boule magique là du Metric, du Gaslight Anthem, Block Party et Bears of Legend. Et du côté francophone, on a une nouvelle chanson de Tremblay et le nouveau single de Karim Ouellette. Là, je vais réinsérer. Hey, tu sais, un boulon, je pense que la console va donner la blague du boulon. Et ensuite, nos numéros 1 d'ici la fin de l'émission seront soit du côté francophone, Peter avec Carousel, peut-être. Peut-être, parce que c'était l'ancien numéro de la semaine dernière. Et du côté anglophone, peut-être Nothing Gonna Stop Us The Darkness. Quel mystère et mystère. Boulon de gomme. Tabarouette. Déjà, ça fait à peine 2 minutes que c'est débuté. Et on est déjà tanné. Ben non. C'est de la grosse boulette. Donc, on va commencer en 20e place. 2 nouvelles entrées. Du côté anglophone, il y aura Bears of Legend, une formation locale qu'on a eu en entrevue assez fou à l'émission Assemblage requis. Et là, c'est bon. Leur pièce s'appelle The Mornings I've Let You Down. Mais tout d'abord, on va aller écouter Rien de mieux de Tremblay en 20e position francophone. Hey, c'est beau, hein? Yeah, c'est beau. Maxime des Bien Tremblés. Oulala! Chante-nous une petite chanson! C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle, je te trouve belle dans ta robe, sans ta robe, tes épaules qui font danser les cœurs. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton déshabille. J'ai rien trouvé mieux. J'suis juste ton one night, au mieux ton rebound. Quand j'étais avec toi, je me sens comme un produit, j'essaie de me vendre. Tu te saoules de plaisir, tu rêves jamais dormir. Tu refuses le malaise, l'ennui. Tu te protèges de l'amour, puis tu gaspilles l'envie. J'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux que ton corps qui se déshabille. C'est quoi

Block Party et la pièce Kettling, position numéro 19 anglophone. Juste avant ça, on a entendu la nouveauté de Karim Ouellet, L'amour au numéro 19 francophone. Mm-hmm. Avant ça, en 20e place du côté anglo, c'était la formation locale Bears of Legend et The Mornings I've Let You Down. Et on a débuté le tout avec Tremblay et Rien de mieux qui est son nouvel extrait au numéro 20 francophone. Bon, commentaire maintenant sur les quatre nouvelles entrées qu'on vient d'entendre. Oui. Bears of Legend, wow, c'est génial. Hein? C'est donc bien bon. C'est écœurant. J'avais jamais entendu ça. Man, c'est vraiment bon. C'est un groupe de Trois-Rivières, d'ailleurs. Mm-hmm. C'est fou. Oui, c'est fou 89.1. C'est fou 89.1. On cherche un public foot, on a trouvé un ours. Et voilà. Sinon, Block Party, bon, c'est le deuxième extrait de l'album Four. On se rappelle tous de Octopus, qui a été quand même un assez gros succès depuis les dernières semaines. Donc, ça va sûrement monter aussi. Karim Ouellet, son nouvel album Fox. Moi, j'étais en amour avec Karim Ouellet, point. Là. C'est trop bon. Là. Alors, j'entends que tu l'as en entrevue ou tu l'as eu en entrevue? Oui, je l'ai eu en entrevue. T'as bien ça? Il est super fin. C'est fou. Moi, j'adore tout ce qu'il fait. Depuis son premier album, je le suis. Ben, c'est son deuxième. Ça fait pas genre 12 albums que je le suis. Mais c'est très, très bon. Et le nouvel extrait de Tremblay avec Rien de mieux. Très bon aussi, à la hauteur de ce beau jeune homme. Est-ce que tu trouves que c'est à la hauteur de son premier extrait de Marie Plastique? Ben, c'est sûr que Marie Plastique est plus catchy. Oui. T'sais, Marie Plastique, ça te rentrait dedans. Mais je trouve que c'est une belle suite. Exact. Et là, si on regarde ça, on a Bears of Legend, on a Fox de Karim Ouellet. Donc, c'est un palmarès animal. Un petit peu animalier, c'est ça. Puis Tremblay, ben, il est poilu, c'est ce que je te dis. Position numéro 18, anglophone, ce sera The Gasoline Anthem et Here Comes My Man. Mais tout d'abord, on va l'entendre Audio Note avec La Tête Ailleurs, au numéro 18. C'est des palmarès, c'est fou. Ça, c'est mystérieux, c'est trop fort. J'ai dit la même chose la semaine passée, je vais me retenir. C'est ça. J'ai tellement envie. Ton c'est mystère! Ton c'est mystère! Ton c'est mystère! Pourquoi je Numéro 17. Nouvelle entrée. Oh, on est parti bon matin pour Québec, tout à la bêche. Quand t'as qu'à sortir 138, on pogne un flat sur le bord de la vin. Un John Duran à droite, pis l'horizon dans un coin. Garde-moi les dingues qui fourrent le chien, qui pompe le sac à deux mains. Oh, ben, gadon, y'a plus de space, c'est le meilleur port, on est bon. Le temps, il voudrait bien, mais il est comme moi, il connaît rien. À part la muse et Doritos, pis son petit penche à poule vin. On s'en va dans notre belle capitale, où y'a des fans de 30 pis de métal. Ils nous font rire, je veux juste le dire, je sais que dans le fond, c'est nous autres les pires. Joseph Coron, c'est un beau du coin les garçons. Ah ouais, on se pack pis on débarque, sans moi les clés du contact. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, on bouffe tout de suite sans check après. Ou ben on rentre dans d'adrette le mode petite soif qui me décosse à tout le monde. Que le, ça demande pas mieux. En part Pat, notre DT, ben lui chiole un peu. C'est parce qu'il drette comme un pape, il passe comme un chandeux. Soit là, j'ai pas fait attention, mon cœur poigné un tour de rein. Quand me suis réveillé le même matin, voyait partir la belle à nos mains. L'eau, on part la vanne pis on saute. On pointe la 175 nord, on vire à Jonquière à soi. Et y'a pas vache qui belle, pis là c'est encore l'hiver. Mon olive, sa ville neuve qui nous chauffe notre enfer. Tout le monde est frippé ben dur, on s'y fait à l'usure. Ça parle de gear pis de mauvaise fait. Check-moi le paysage qui nous invite. Nos toutes nos visions, ces bonnes femmes, nos propres raisons font votre charme. Anyways, les wipes of cette jazz, ça 175 nord. Pis avant de la reprendre vers le sud, pense que la veillée va être un peu rude. Sont faites de même, font pas exprès que le façon de dire la belle parlons du bon, c'est le français d'après tu. Moi j'ai un petit fait pour la tour, c'est la ketchup maison, pis la bonne bien bon soit, ça me charme les belles tourneux, pis les bonnes femmes ont ben l'allure. Et ah ouais, non, les longs, là, en bout de sommet, en blanc, c'est ce que ça à l'aide, pis en après-midi, ah ouais, malgré, c'est leur michaud et ses ramenés qui sont beaux, smile, c'est gros nénés. Moi j'étais chaud comme un poêle, pis elle molle comme un lac. Motel princesse, j'ai trouvé ça wack, mais j'ai du fun, l'autre bord du parc. T'es fini, on ouvre nos yeux, on bouffe des œufs, on est tous scrapés. Tant qu'on part 400 km à faire sa map, que je donnerais ben tout le monde s'y change. Pour pas te surprendre, juste un peu de sens. Des fois, je me dis c'est beau, c'est correct. Pour un temps, on va faire avec. Je fly au 5 à 7, voir la gang à Brissette. Les gays nous twist des petites épices, pis on profite de la Saint-Maurice. Je capote ben red, j'étais moitié fou, y'a pas question que je rentre chez nous. Soit là, j'ai pas fait attention au pouvoir, surtout avec moi, pis je n'ai viré du sacrament que la belle Kenville l'autre soir. Tu veux tout, check il l'a allé. Les soins d'arroquer à casa. Ouais, donc tout, qu'est-ce qu'il y a peu à gueule dans le mic comme ça se peut pas. J'ai de la bière comme une fontaine, puis a fait des jokes à tour de bras. T'as beau donner tout ce que tu veux, prends pas toujours tout ce que tu veux. Chose qui est sûre dans là-dessus, on veut tout, juste pas de vieux. Ça fait quand ici pis chez vous, les courses à cheval, les rentes de lait, le gros fan noir, les tops qui brûlent pis les lamins qui viennent après. Essaye de pas trop t'éloigner, même si c'est beau que la terre est ronde, stack la pédale, c'est qui ton monde, pose-toi question et une seconde. Regarde la vue, check le ciel, t'avances, la mort, t'appelle. Les pieds dans le vide, qu'est-ce que ça donne, body, tout le monde, l'ami de personne. T'as beau smile à sacrament, j't'ai dit croiser un show de Jérémy Mourant. On dira ben ce qu'on voudra, ça m'amuse, me tromper de pas de boss, pas c'est bon, pis qu'on aime ça, pis des fois, ben. Ça fera. Y a-tu dit c'est déprimant, on se croirait dans un show de Jérémy Mourant? C'est oui. Un peu une pin envers Jérémy Mourant, l'artiste, ça? Ben, je sais pas c'est qui. Eh bien, on l'a déjà eu sur le palmarès ici. Il me semble, en tout cas. Il me semble bien. Donc, Bernard Adamus, avec Entre ici puis chez vous, qui descend de la 13e place, maintenant en 17e francophone. Et juste avant, on a entendu Osionaute avec La tête ailleurs, qui est stable, puisqu'il était au numéro 18 la semaine dernière et qu'il l'est encore. Ouais, ben pas de changement de ce côté-là. Par contre, vous vous dites, mais on a parlé de 6 nouvelles entrées au début de l'émission, et il y en manque deux. Ben, on se les tape là. On se les tape là. Oui, tout à l'heure, il y aura Metric avec Speed the Collapse. Mais tout d'abord, The Gay Slave Anthem avec Here Comes My Man, au numéro 18. Love là. Ton Maxime Tanguay, non, ton homme. Mon homme. Celui que tu aimes tant. Ben oui, c'est lui. Oh. Il s'en vient, là. Oh. À trois en studio, hein? Non. Retour, Lisa Leblanc, Noël, mes Mother Mother, au palmarès, c'est fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 17. Electric et Speed the Collapse pour son numéro 17 anglophone. Et juste avant, on a entendu The Gaslight Anthem avec Here Comes My Man au numéro 18, une nouvelle entrée aussi anglophone. Les titres qu'on n'est pas habitué de dire, c'est Speed the Collapse. Speed the Collapse. On est habitué de dire Youth Without Youth ou Breathing Underwater, les deux premiers extraits. C'est vrai. L'album s'appelle quand même Synthetica. Voilà. On a fini pour les nouvelles entrées. Qu'est-ce qu'on pense de ces deux pièces-là? Moi, Matrix, c'est immanquable. J'adore ça. C'est pas ma préférée, par contre. Pour rien. C'est ça, effectivement. Très, très bon. The Gaslight Anthem aussi. Moi, j'adore. J'aime ça. Moi, j'apprécie moins. Je sais que mon co-animateur, François-Olivier Marchand, capote sur The Gaslight Anthem. Moi, j'aime bien. Ouais, j'aime beaucoup sa voix. Pas mauvais. Alors, on va sauter par-dessus les positions numéro 16 et 15 anglophones. Position étant les positions professionnelles. C'est comme l'édition professionnelle de Windows. Hein, des positions. Donc, la 16e, c'est Hospital for Sinners par The Wallflowers. Et on va sauter par-dessus White Horse et Devil's Got a Gun. Ça, c'est triste parce que tout le monde l'adore. Oui, c'est vrai. Vraiment bonne. C'est assez unanime. Pas besoin de se faire menacer si par un... Si on a un petit lot, ça va faire l'émission, peut-être qu'on va pouvoir la jouer. Ah, mais oui, mais je compterai pas là-dessus. On va y aller avec les positions 16 et 15 francophones. Plus tard, Lisa Leblanc avec Motel. Mais tout d'abord, Noem avec Beltane au numéro 16. Ça, j'adore ça. C'est des palmarès assez fous, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Bosque de sorcières. Je veux revoir ton doux visage, tes yeux de parc, couleur d'orage. Laisse-moi te voir, la belle dame, écouter ta voix océane, murmurer des villes d'Irlande dans ta clairière de Poséidon. Dans la forêt où le fond de drame, tout près du lac de la dame. Je veux dormir tout contre toi, avec un seul dolmen pour toi. Viens réchauffer tes allumés, et tu brasses de l'eau neutre. Écoutez les incantations de ta licielle breton. Reviens avec moi, ma Wicca, faisons remettre les rites anciens. Changeons les messes en savants et les vivants comme des sylvains. Offrande, Numéro 15. Senteur de clope, tapis orange détendu. Tache louche et drap, tache encore plus louche sur le plancher. Showerhead qui hang, plus de pression dans la douche. Savon parfumé qui sent les années 80. Depuis une couple d'années, je me demande comment longtemps que ça fait que les mouches sont sur le plancher. Vive les vacances, puis les motels cheap sur le bord du highway. Vive les vacances, puis les motels cheap sur le bord du highway. Plus dessus que moi. Moi, je l'écoute plus que toi. Ben oui, comme dans je l'écoute pas partout. Lisa Leblanc, même quand elle joue, probablement, c'est fou. La pièce Motel qui monte de deux places en 15e position francophone. Et juste avant, on a entendu Noem avec Belle Tam qui était au numéro 16. Une chute de 10 puisqu'il était au numéro 6 la semaine dernière. Chute, dis pas. Pour sa chute. Bon. Chute, dis pas pour sa chute. Tout à l'heure, Kid Kuna Trio, How the Georges et Mother Mother. Mais pour l'instant, c'est le moment de retourner en arrière et écouter les meilleurs moments de l'assemblage requis. Ok, oui. C'est un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 3 décembre 2012. C'est la première émission du mois de décembre. Oui, plus de moustache. Non, ça l'a jamais eu. Non, mais pas nous autres, mais pour tous les autres. En fait, le reste de la population. Les suiveux. Les suiveux. Non, mais toi, tu t'es pas rasé hier. Moi, je préfère me raser le dimanche, déjà, pour commencer la semaine en beauté, tu sais. En beauté? Ben, en moins laid, moins laideur. C'est mieux. Moins laideur dans mon cas. T'es toujours Assemblage Requis. Il est 7h12 minutes. François-Olivier, toujours Mathieu là. Mathieu Blonde? Oui, il était derrière moi, François-Olivier, puis il faisait des choses. Alors, ça se passe, hein, ces choses-là? Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Toujours Assemblage Requis sur les ondes de cette station. C'est fou, 89.1 FM. Ah oui? Ben. Mais non, c'est cette station. Cette station. Cette station générique. Moi, c'est Mathieu Plante. François, Olivier Marchand, une aussi bonne journée que moi, sûrement. Donc, viens de s'en ouvrir à l'extérieur du studio. Hé, hey, attendez, moi, je vais aller le chercher, OK? Regardez bien ça. Je vole. Hey! Salut! Ça va, François? Ça va bien. J'ai oublié mes écouteurs. Ben oui. J'étais les chercher en courant, puis là, en fait, la porte était comme barrée. Je vais aller débarrer. Ouais, va débarrer la porte. Je t'attends. Hey. Wow! T'as fait. Wow! Ça, c'est de la radio-réalité. Ben, c'est ça, hein? Le Love Story. Je sais même pas c'est quoi. Love Story. J'ai jamais écouté Love Story. Je veux faire l'imitation de Love Story, mais je connais tellement pas ça. Du côté juridique de la Terre, hein? Oh oui, oui. C'est bien connu. Le juridic side of the moon, comme dirait Pink Floyd. À la salle Louis-Philippe Poisson. Bloup-bloup de 18 $, évidemment. Tu fais ton bloup-bloup. Faut dire bloup-bloup quand tu dis Louis-Philippe Poisson dorénavant. Juste. Ah oui! Comme ça va tout le temps te rappeler moi, puis tu vas faire comment? Ah, Mathieu Blanc. Je vais dire ça dans toutes mes autres entrevues. Bloup-bloup. Fais pas ça, s'il te plaît. Dormir, Maxime Tanguy. Difficile. Il a peur dans le noir. Ouais, c'est vrai. Caline, il est nommé en hommage à un magasin qui vend des matelas. Oui. Tanguy. C'est vrai, entre autres. Hein. Puis mon père, ironiquement, c'est drôle, t'en parles, parce que mon père travaille dans le domaine du matelas. Bon. C'est le cordonnier mal chaussé. Bienvenue à l'Assemblage Requis. Il est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières pour la première fois aujourd'hui. C'est comme ça. Ah, pour la première fois aujourd'hui, tu t'as fait raison. C'est jamais arrivé pendant 400 quelques fois avant ça. Jamais. Presque 500! Parler de sucre! Au retour à son âge. On veut du sucre. Sugar! Honey. Hey, je chantais la chanson Oh Sugar. Honey. My girl! Non! Toujours Assemblage Requis avec FO et Mato. Matou. Pensez Matou. Non, ça, c'est le slogan de Matou électronique. Ouais. Matou. Matou. Ouais, tout revient au chat. Grâce à toi, surtout. Toujours. Quand t'as la chance. Merci, Maxime. Bilodo. Plaisir, messieurs. Merci. À la prochaine. Mercredi, oui, à 8h30. Yes. Facilement dans le top 3 des Maximes à l'émission. Facilement dans le top 3. Vous avez 3 Maximes. 3 Maximes, c'est 3 Maximes. Ça ben, il en faudrait un quatrième au moins pour un peu me démarquer. C'est ça. Non, mais sans blague, on t'apprécie beaucoup et ne nous quitte jamais. Oh mon Dieu, je pleurais. Grosse nouvelle, ce matin, on n'est pas en direct. Non, comment ça, non? Écoute, on a eu un empêchement de force majeure. Ça veut dire que je peux sacrer? Oui, mais on va les couper au montage. Donc ça va faire. Fait que là, je vais le faire, ça n'a pas paru. C'est ça, exactement. Écoute, ouais. Tout le monde. Hey! Ouh. Hein, pompé? Oh, wow! C'est le fun du pas direct. Ça va être Geneviève Fafard qui va donner ce workout-là, le super c'est dynamique. Pas toi? Non, ça sera pas moi. Ah, je t'assure, c'est toi. J'y vais pas. Ça va être Geneviève, non, elle est super, super bonne. Non, mais elle risque de pas faire des squats à travers, des fentes. Elle risque de Fafard. Elle risque de faire. De faire, elle aussi. Elle s'appelle Fafard. Ouais. Elle va mettre plein. On va faire faire des affaires. Laisse faire. Je m'en veux, là. Faut que je retienne l'affaire de Fafard avant de faire faire les affaires. Faire les affaires. J'ai bien fier de celle-là. Hein? C'est plate, c'est un peu pathétique. Ouais. De retenir ses blagues, mettons. C'est sire pathétique. Oh! Oh! Oh! Oh! Un gag trifluvien. C'est tellement bon, hein? Et, moi, je suis une grande fan. C'était incroyable comme un crayon de cire, mais ça. Je l'ai raté, je la garderai pas, ça. Là. Non, garde-la vraiment pas. On va couper au montage! OK! C'était les meilleurs moments d'Assemblage Requis pour la semaine du 3 décembre 2012. Écoutez donc cette émission-là avec Chosebine, François-Louis Marchand et Patente à Gagos, Mathieu Plante. Ouais, Mathieu Plante, il me tape sur une heure, mais c'est pas grave. Parce que là, c'est quoi, à un moment donné, il va tout faire la journée au complet, tous les jours, c'est quoi, il est là tout le temps? Six balles. Pas quatre, six. Pas quatre, pas cinq, pas sept. Six.

L'excellente Hannah Georges et le morceau Enemies qui monte de 5 places en 14e anglophone. Et juste avant, l'entendu Keith Kuna avec Batiska au numéro 14 francophone, qui lui a fait une belle petite montée puisqu'elle était au numéro 19 la semaine dernière. Hey, c'est chanceux ça. Dans la deuxième heure, dans quelques minutes, Trio, la descente du coup de Ringo, Dead Star, Mother, Mother. On aura aussi plein d'autres musiques. J'ai lancé une chronique, je serais pas sûr si ça va avoir lieu. Peut-être une chronique. Tantôt. On sait pas. C'est pas mal assez fou. Oh. Intéressant. Ok, oui. On sait que ça revient après la pause, contrairement à Tu m'aimes tu. Oh. Ah, je voulais pas te déprimer de même. Là, c'est fait. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Bonjour, c'est la deuxième heure des palmarès. C'est vous pour la semaine du 3 au 9 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est Alexandre. Je sais pas pourquoi. C'est tellement pas professionnel de recommencer en rien. Non, mais c'était une bonne blague, Mathieu. C'était une très bonne blague. Ça me fait plaisir. Voilà. J'en sors des drôles de même une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps. Pas trop souvent. Hein? On se donne pas ce luxe-là. Non, mais je garde les mauvaises pour les ondes. T'sais. Les bonnes, je les garde pour entre amis, pour vraiment avoir l'air vraiment d'un gars drôle. En ondes, je fais le gars qui fait les blagues plates. Dans le fond, t'es comme un espèce d'agent undercover. Oui, comme dans Chose Alias, petites affaires-là. Comme dans Chuck. Comme dans Chuck. Et voilà. Et voilà, puis ça, c'est geek, fait que ça me rejoint. Puis, voilà. Bon, cool. Donc, on va débuter cette deuxième heure avec les positions numéro 13 du côté anglophone. Ce sera Mother Mother et Bit by Bit. Mais tout d'abord, ce sera Trio avec Ladi la fée numéro 13 francophone. Pour vrai? Ok, oui. Maintenant? Oh oui, là! Je suis pas sûr que c'était là. Attends, je pense que c'est plus... Là! Cette chanson, elle est pour toi, ô grande sœur, petite reine, grande patronne malgré toi, ô petite main souveraine, la fée qui dit oui à la vie, elle promène dans la Rochelle, le fantôme de sa maladie, qu'on sèmera dans les ruelles. Alors en souvenir de toi, là sur le port de la Rochelle, des milliers à tendre les bras, à faire trembler la citadelle, des milliers à refaire le monde, souffle le vent sur la nacelle, du lierre est monté sur ta plume, et toi tu joues les immortels. La vie, la la vie, la la vie, la fée, la fée se parle. La vie, la vie, la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, chantera de Lille à Paris, la Rochelle, pour la nounou, pour la mama, la petite fée, la coccinelle. Car nous c'est les copains d'abord, les indiens dans la fourmilière, les douces sœurs gis sur le bord, grain de folie, grain de poussière. C'est mon hommage de ton vivant, là sur le bord de la Rochelle. Ça doit faire drôle, c'est déroutant, et tu souris sous ton ombrelle. On chantera à mille voix, et la vie nous sera facile. Non, la faucheuse t'aura pas, nous on t'embarque sur notre île. La vie, la la vie, la la vie, la la vie, la fée, et dit la fée se parle. La vie, la vie, la la vie, la fée, fais jouer la vie entre ses doigts. La vie, cette chanson, elle est pour toi, pour ceux qui regardent le ciel, bravant la douleur et le froid, le compte à rebours éternel, à ceux qui s'accrochent à la vie et qui la trouvent tellement belle, quand elle vous sourit, vous défie, quand elle vous fait battre de l'aile. La vie, la vie, la vie, la vie, la fée, la fée se bat.

numéro 12. De Ringo Death Star. Pour son numéro 12, ça descend d'une place en anglophone. Et juste avant, on a entendu la descente du coude avec Généalogie au numéro 12, francophone. On va l'entendre un bloc trois quarts. On va sauter par-dessus Ariane Moffat, malheureusement, avec Hôtel Amour, qui est en 11e franco. On va entendre plus tard les frères Goyette et Grizzly Bear, mais on commence en 11e anglo. En 11e anglo, avec Crystal Castle, avec Plague. C'est donc même mystérieux comme fin de pièce, puis celle-là, c'est donc même mystérieux comme début de pièce. C'est comme... Donné, le mystère. On est dans la zone mystère. Ouh, zone grise. C'est des palmarès, c'est fou. Yeah!

Grizzly Bear, Yet Again, position numéro 10, ça monte de 3 places. Et juste avant, on a entendu les frères Goyette avec Tabac d'orchestre, numéro 10, et ça l'a descendu de 4. Eh ben, Tabac okay, d'orchestre. J'ai failli l'avoir. Tabac d'orchestre. J'ai failli l'avoir. Failli passer proche, comme on dit. C'est l'heure de la sieste, Mathieu? Ok, c'est bon. Le fond se réveille à un moment donné. Au début du pont, j'étais comme... Alors, vos paupières sont lourdes. Vos paupières sans lise, qu'on se okay. Non, c'était très, très mollo comme fond, en effet. Correct, correct. On va y aller avec les positions numéro 9, comme ça, pendant qu'on a encore le temps. J'ai confirmé avec Justine Renaud, elle va être avec nous plus tard. Qu'elle sera là. Elle sera présente. Donc, tout à l'heure, on entendra Bat for Lashes avec All Your Gold qui monte de 3 places. Mais tout d'abord, un groupe que tu apprécies particulièrement, Madame Moustache avec Roméo et Joliette. C'est une histoire d'amour. Oh là là! De ton palmarès, c'est fou! Wouhou! Hi-haw! Que ce serait différent. Tu me promettais pas la lune. Oui, Lafayette, c'était tentant. Je me sentais vraiment comme quelqu'une. Mais quand t'as vu mon GPS qui pointait pas vers la frontière, tu m'as trouvé un peu BS. De laisser ton cœur choir à terre. J'ai vraiment cru à une erreur. Tu m'as dit, voyage t'as une heure. Je rêvais des soins de Véloxy. Puis y'a même pas de Ralph et chez Manny. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le voir? Quand j'embarquais dans ta barouette, c'était pas en direction que j'allais. Tous les détails étaient scellés. Vous alliez taper un record. T'allais être une reine à clore. Mais tu me ferais pitcher des lingots d'or. Pourquoi t'arrêter de croire en moi? Qui avait tout mis sur nous, je vais te mettre en feu, t'es fait en bois. Y'a pas de roulette à mi-genoux. Mais dans ta tête, oui, ça pédale. Tu cherches des jolies issues de secours. Je vais me rendre au sud comme une cigale. Toi et Joliette, restez pour toujours. Même au galop, tu trottes mon âme. Penses-tu vraiment que je trouve ça le fun? Quand j'embarquais dans ta barouette, je pensais me sauver un petit peu de fret. Numéro 9. You're a good man, 'cause you're a good man. I keep savoir comment te consoler. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. Être malade me plaît. Chasseront tout ce qui te tourmente. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel. Être malade me plaît. Tu tournes dans ma tête comme un carrousel qui ne s'arrête jamais, ne t'arrête jamais. Numéro 8. I am no messenger, but I will give you a message. A message of death. When you're cycling through the city at night, and you're going to be the parking spot, I got my fingers kissing you and you didn't care. I was fixing your shade while you're fixing your hair. Rolling a tarmac, you're walking on air. Let's get out of here. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. The Darkness and Nothing's Gonna Stop Us, l'ancien numéro 1 maintenant en 8e position anglophone. Et juste avant, on a entendu Peter Peter et Carousel, l'ancien numéro 1 francophone aussi, ben oui, qui est maintenant au numéro 8. On en parlait en rond, le Carrie Mouette et Peter Peter sont au sommet du Tabarouette francophone pour vous autres. Qu'on aime ça. C'est tellement bon. Bref, franche-toi pas. Avant ça, position numéro 9 anglophone, c'était Bad for Lashes et All Your Gold qui monte de 3. Et on a débuté. Tout avec Madame Moustache et Roméo et Joliette au numéro 9, qui a fait une hausse de 3 puisqu'il est au numéro 12. Merveilleux, mais dommage, mais merveilleux parce que c'est bon. Position numéro 7 maintenant du côté anglo. On va l'entendre Run with the Kittens. Ils vont nous ronronner Weight of the World. Ça descend de 2 places. Et juste avant, on va aller écouter le groupe Trifluvien, Atomic Baobab, avec L'Atterrissage au numéro 7. C'est pas qu'ils vont exploser avec ça ou quelque chose atomique, c'est le boom! Exploser avec l'atterrissage. Hey, c'est triste, c'est pas non, on dirait un accident. On veut pas ça. C'est des palmarès, c'est fou. Nous, on vous explose ça dans la face, hein? Dans vos oreilles. Oh là là. C'est kinky pas mal, hein? Oh oui. Yeah. 7. The Kittens, Weight of the World, pour son numéro 7 qui descend de 2. Et juste avant, on a entendu Atomic Baobab avec L'Atterrissage au numéro 7 qui a fait une descente de 2 puisqu'il était au numéro 9 la semaine dernière. C'est l'explosion, ça. C'est un petit minou. Ça, c'est quoi ce genre de... Quand la blague est mauvaise, c'est... Non, mais c'est... Oui. Oui, bon. Allez, restez là, au retour, l'indice Chinatown, Stars et Hunter Valentine, chronique de Justine Renaud, les tartines de Justine. Si j'étais vous, je resterais là. C'est quoi le bruit du beurre, mettons? Tu pètes dans le poil. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Troisième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 3 au 9 décembre 2012. Incroyable, hein? C'est incroyable, il est Mathieu Plante. Et t'es Alexandra Carignan, The Car Carignan. The Car Carignan. Alex, The Car Carignan. Non, je t'appelle comme ça, moi, ça. The Car Carignan. Je trouve tout le temps des surnoms bidons. On dirait genre un cockroach. Alex the Cock Carignan, non? Oh, non! Oh, oh! Tu gâches tout, là, là, là! Pour ça, le numéro 6, ouais. Anglophone, ce sera Hunter Valentine et Liar Liar qui montent de 4 points. Mais on va aller tout d'abord entendre l'indice avec Faire du bruit qui est en hausse de 1. Est-ce que tu penses que c'est une blague sur les tests de son qu'il y a à Chasse-Galerie en ce moment? Je sais pas! Faire du bruit! Vous êtes au palmarès, c'est fou. Condenser de la meilleure musique que c'est pas, vous en fait. Wow, je suis le même. numéro 6. You said we'd keep this pet forever. A light way of laying your curse from the sky. You had your hands inside my pockets, taking away everything I own. I keep my mind straight, keep my mind straight. I keep my mind straight, keep my mind straight. Keep my mind straight, keep my mind straight over you. Mind straight, 5. Stars et Backlines, c'est la position numéro 5, ça, et ça descend de deux places, malheureusement. Malheureusement. Juste avant, on a entendu Chinatown avec Cassez-moi la tête au numéro 5, qui, eux autres aussi, ont descendu puisqu'ils étaient au numéro 2 la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on a entendu avant ça? C'était Hunter Valentine en 6e avec Liar Liar, qui monte de 4 places. Et on a entendu l'indice, c'est Faire du bruit au numéro 6, une petite hausse de 1 place. Mm-hmm. On fait des beaux petits blocs de 4 aujourd'hui, pas mal, pour essayer de gagner du temps, parce que Justine Renaud s'en vient dans quelques minutes. Justine qui vient d'arriver en studio, je sais pas si elle est assez pimpée et prête pour nous dire un petit mot, là. Mot. Il était pas très petit, ton mot, il aurait fallu que tu dises plus aigu. Ah oui, je suis primé, comme on dit en bon québécois. On a mis la première couche là, qui va servir après ça à pouvoir vraiment faire tenir la peinture après. Exactement. T'sais, où j'aurais pu parler de sur ta tranche de pain, tu mets ton beurre qui ensuite sera suivi de confiture. Non. Je comprends pas les gens qui mettent du beurre ensuite de la confiture. Non, on s'est entendu que c'est comme... Il y a de la confiture. Ça masque déjà quasiment tout le goût du reste du pain. Pourquoi tu mettrais du beurre pour engraisser? Richard Martineau devrait se prononcer là-dessus. Richard, si t'es à l'écoute, s'il te plaît. Fais-nous une chronique démagogue au sujet du beurre et de sa confiture. Ma grand-mère mettait du beurre avant de mettre la mayonnaise ou la moutarde dans mes salades. Hey! Oh my God! C'est dommage, c'est trop. Marche pas pantoute, ça. Mais non, je trouve ça trop, là. Hey, moi, je fais ça. Pour oh vrai? Mon Dieu! Ben oui. T'es-tu ma grand-mère? Du pain, du beurre, puis là, tu mets ta mayo. Moi, je mets pas de moutarde, là. Non. Mais beurre et mayo. Elle écoute Justin Bieber aussi. Est-ce que tu prends pour David Ferrand? Non, c'est une blague. Je vous jure, je ne juge pas les gens là, qui beurrent leur pain avant. C'est juste que ma mère, elle faisait ça quand j'étais petite. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoute, maman, écoute. J'avais genre 5 ans. OK. J'ai apporté des arguments super comme vraiment le fondé. Une thèse là-dessus. Exactement. J'ai fait toute une recherche bibliographique sur PubMed. C'était super scientifique. Puis finalement, on n'en met plus. Problème réglé, finalement. Problème réglé. Mais sérieux, je juge personne. C'est stupide. Ça, puis rouler son spag. Moi, je le coupe, d'autres le roulent. Non. Le couper, le spaghetti, là, je vais devoir t'arrêter ici. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre leur spaghetti, qui vont casser le... Ouais, moi, je fais ça. Ça en deux, parce que c'est plus simple. Donc, moi, je le laisse complet et je le roule dans ma cuillère. En fait, je le roule pas dans ma cuillère, je le roule dans le fond de l'assiette. Pourquoi avoir une cuillère quand tu manges du spaghetti? Ça se mange très bien. Moi, je les casse. Ouais. Non, moi, je trouve que dans une cuillère, c'est mieux. Mais toi, t'aimes bien sur les cuillères, c'est ça? Non. On est divisé en studio. Oui, on n'est pas partout d'accord. Moi, je le roule dans la cuillère. Des fois, je le coupe. Des fois, je casse mon spaghetti. Moi, je pense que je fais tout. suis très... hey, on peut passer au bloc de quatre chansons, qu'est-ce par exemple, parce penses, que j'ai vraiment hâte de faire ma chronique et de parler autre chose que de spaghettis de beurre sur le pain. Est-ce que tu veux qu'on fasse un bloc de quatre là, tout de suite? Là? Oui, là. On a le temps pour un bloc de quatre avant que tu fasses ta chronique? Oui. OK, wow. Donc, plus tard, on aura Gros Méné, Diamond Rings et Young Rivals, mais on va débuter en quatrième francophone, c'est bien ça? Avec les trois accords et exercice numéro 4. Vous êtes au palmarès, c'est fou! Oui! Où on vous sert la coutellerie complète de tout le top 40. De... Oh. Rien de moins. Ou une autre analogie qui tiendrait mieux que ça. Oh. C'est comme un set de vaisselle. On travaillera là-dessus. Ouais, c'est ça. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. Stereo. Oh, stop it. êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Numéro 3. Diamond rings, I'm just me with my hair. Juste moi et mes cheveux. Et juste avant, on a entendu Gros Méné avec Vénus au numéro 3. Francophone. Oh, que je déteste la fin de cette chanson. Avant ça, en quatrième anglo, c'était Young Rival avec Black Popcorn, qui monte de la 20e place. C'est vraiment une belle remontée pour un aussi jeune rival. Oh là là. Et on a débuté ce bloc musical avec les trois accords et exercice au numéro 4, une hausse de 1, puisqu'il était au numéro 5 la semaine dernière. Mm-hmm, ouais, hey. Ils ont monté, ils ont fait de l'exercice, tu sais. Oh. Ils ont comme grimpé les marches d'un Stairmaster 3000. Ouais, une marche. Ouf, OK, ça va. Hey, c'est tellement drôle. Mais oui, mais là, excuse-moi, là, je faisais de l'humour à la Mathieu style Plante. Ouais, c'est ça, je t'ai vu venir. Là. Je t'ai vraiment vu venir. Oh, pas obligé de me planter. Les couteaux volent bas. Les couteaux à beurre qui sont pas très tranchants. Tu ramènes le beurre. Il me semble qu'on s'était dit que c'est un sujet clos. Oui, puis je pense que j'avais fait des blagues de vaisselle tantôt aussi. Fait que full circle. On va faire la petite musique comme avec de la vaisselle sur des chaudrons. Parce que c'est une chanson thème que Justine n'aime pas. Fait qu'on non, fait comme c'est ça. Pas que je l'aime pas. C'est que c'est pas mon premier choix. Non, mais encore une fois, tu n'as jamais amené de deuxième choix. Hein? Go. Parle-nous ça. Il est quand même très bon. Il est très bon, mon intro, là, pour mes tartines. Est-ce que... Oh non, on peut pas parler de tartines parce que là, c'est le sujet est clos, là, surtout qu'on sait pas encore s'il faut mettre du beurre ou pas en dessous de notre... assaisonnement. Notre assaisonnement principal. Mais je suis pas ici pour vous parler de tartines, même si ce sont mes tartines dont on discute en ce moment. Ben, c'est le nom de la chronique, en fait. Les tartines de Justine, c'est comme ça. C'est la meilleure partie, en fait, des palmarès. On vous dit jamais, là, mais... Ben, c'est que ça a rarement lieu. Là, une fois par deux semaines, c'est rare. Là, on s'habitue pas. T'sais. Ce qui est rare vaut plus cher. Oh, tout à fait vrai, hein? Comme ils disent dans les émissions où ils se vendent des affaires avec des affaires, là, tu sais, les... Shopping TVA, je comprends pas. Shopping TVA. C'est la précision même. Non, je parlais des affaires dans le camp, là, tu sais, là. Ils ouvrent des... Ah, ben oui, ben les auctions, là. Excuse-moi, oh oui. Moi, je suis très, très anglo. Ben ouais, on sait bien, toi, puis ton anglais. Non, mais je ne vais pas parler. je m'excuse. Je vous prie de m'excuser. Aujourd'hui, parlant d'anglais, en fait, en parlant pas anglais, parce que c'est Johnny Foreigner, donc j'imagine que c'est bien sûrement de Russie ou une place comme ça, absolument en Biélo. Absolument pas. Non. Johnny Foreigner, ils sont anglais, de l'Angleterre. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'étais anglaise. Ça, c'était pour amener mon sujet. Tous, ça reste étranger, en fait, ouais. Tous savent très bien que... Tous savent, hein, que il faut amener notre sujet là, en français. Là. Mais avant le complément d'objet et tout ça. Le complément d'objet qui est aujourd'hui est Johnny Foreigner, qui est un band indie rock, parce que j'ai promis, parce que ça fait à peu près un mois que je joue du R&B ou du rap ou du hip-hop. J'étais tannée, là, je suis désolée. Catardi fait la même chose. Oh, puis elle c'est comme moi, mais à chaque deux semaines, mais l'autre deux semaines. C'est comme toi, mais en genre de brunâtre. Non, plus belle. Elle a des cheveux longs. Non, non, non, non, OK. Non, mais c'est différent. Non, non, non, non, non, non, non. Ne te rabaisse pas. Tu sais, t'es absolument... C'est pour aider le spectateur... Pas le spectateur, l'auditeur. L'écouteur. C'est pour aider nos auditeurs à comprendre un peu le contexte. Là. Moi, j'étais une petite blonde aux cheveux petits courts. Petits et courts. Des petits cheveux. Ils sont minces, ces cheveux. Puis Catardi... C'est une belle grande brune avec des cheveux longs, là. Non, je sais votre partie. Vous êtes juste différente, tout aussi belle à mes yeux. Ah non, mais c'est pas une question de beauté, là. Johnny Foreigner, eux autres sont beaux. Oui, on revient jamais vraiment au sujet. Oui, revenons, s'il vous plaît. On prend jamais un train, mais là, il faudrait, là. On prend toujours un train pour la vie. Non, mais fait. Nous autres, on le prend jamais parce qu'on a de la misère. On le manque tout le temps, le train. Ben, c'est même trop plate. Embarquons sur le train avec Johnny Foreigner. J'ai dit que c'était un band indie rock, donc c'est pas R&B, hein? C'est pas hip-hop, hein? C'est pas rap. Donc, tu vas arrêter de chialer, Mathieu Plante. Et eux autres, ils viennent de Birmingham, en Angleterre. Le quatuor est constitué de guitariste et chanteur Alexis Burrow, du percussionniste Junior Elvis Washington Lately. Attends, Junior Elvis Washington Lately. Il y a vraiment un nom intense. Ben. Du guitariste et artiste visuel Lewis Harriet et finalement de la bassiste Kelly Southern. Johnny Foreigner, ça se dit vraiment mal. Johnny Foreigner. Johnny Foreigner s'est formé en décembre 2005 avec Barrow et Washington Lately. Le bassiste à l'époque était Daniel Boyle et non pas Danny Boyle. Le gars de Slumdog Millionaire. Exactement. Et celui-ci, Daniel Boyle, et non pas Danny Boyle, a quitté le band très tôt après la sortie de leur premier album qu'ils avaient auto-produit, là, auto-réalisé. L'album se nommait « We Left You Sleeping and Gone Now ». sans espace, c'est très important. OK. Et Daniel Boyle est allé rejoindre le groupe londonien Gentle Friendly. Il a attendu que ce soit vraiment al dente, comme dans l'eau à Boyle, tu sais, quand ça bouille. Hein? Une blague de bon. Spaghetti encore. C'est vraiment bon, ouais. Ça. Merci. Super. Hein? Par la suite, le 2 juin 2008, est sorti leur deuxième album, Waited Up Till It Was Light. Ça, c'est vraiment un album que je, sérieusement, là, absolument délectable. Je capote un peu dessus, d'ailleurs. Et c'est à partir de ce point qu'ils ont adopté leur emblème qui sont les fantômes de Pac-Man. Et oui, on Inky, peut Binky, Binky, Clyde! Exactly! Inky, Binky, Binky, Clyde! Ben, eux autres, là, les quatre fantômes qui apparaissent dans Pac-Man, les méchants, ben, ils font partie de toutes leurs leur marchandises, leurs gilets. Ils ont le droit d'avoir les droits de ben, ça, non, mais c'est pas exactement un fantôme Pac-Man, mais c'est vraiment là, très, très, très similaire. Au lieu d'avoir quatre zigzags, ils en ont trois en dessous, j'imagine. Non, je sais pas, ils mais sont pas ronds, sont comme. C'est artistique là, comme représentation. Mm-hmm. D'ailleurs, ces fantômes apparaissent sur leur couverture d'album, cet album là qui est sorti en 2008, Waited Up Till It Was Light. Et pas moins d'ailleurs de 6 de leurs singles proviennent de cet excellent album, juste pour vous dire. Aujourd'hui, on va en entendre un de ces singles-là, puis une autre chanson de cet album-là. En octobre 2009, ils sont sortis leur deuxième album, Grace and the Bigger Picture, pour ensuite lancer un EP au nom incroyablement long. Là, je vous mets au défi de savoir combien de mots contenait cet album. Je suis prêt, cet EP. You thought you saw a shooting star, but your eyes were blurred with tears, and that lighthouse can be pretty deceiving with the sky so clear and sea so calm. Mais avant, avant, le titre c'était There When You Need It. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Cinq mots, je dirais 32. Ça en fait, c'est 33. Hé, t'étais proche. J'ai payé 33 quand même. Mais c'est ça, fait que franchement, je sais pas c'est pourquoi, mais c'est très artiste, ça vient avec un béret, je trouve. Le CD vient dans un béret. Hein? Exactement. Mais ensuite, ils se sont lancés en tournée nord-américaine en 2010 avec l'excellent band Los Campesinos. Oh, j'adore Los Campesinos, ça a été sur le palmarès souvent. Mais oui, d'ailleurs, Los Campesinos a vraiment été influencé par ce band et ça se répercute dans leurs chansons beaucoup. Moi, là, la première fois que j'ai entendu Los Campesinos, je pensais que c'était Johnny Foreigner. Okay. Ils chantent vraiment là, très similaire. Cool. En 2011, ils lançaient leur dernier long jeu, Johnny Foreigner vs. Everything. Non. Ça dit tout. C'est ça fait chialeux un peu. Ouais, ça fait je suis donc la victime, mais ouais. je trouve ça cute. Et plus récemment, leur dernière nouvelle, en gros, c'est qu'en avril 2012, ils ont annoncé que l'artiste qui faisait leur pochette de disque, Louis Harriott, vous vous en souvenez, je l'ai dit au début de la chronique, oui. Il se joindra au band en tant que deuxième guitariste. Eh oui, c'était pas suffisant qu'il joue du crayon dans leur pochette d'album. Maintenant, il joue de la guitare. Et vous allez trouver ça bizarre, moi aussi je trouve ça bizarre, j'ai pas encore compris, mais en juillet 2012, c'est-à-dire quoi, trois mois après, le band a annoncé leur séparation. Mais quelques minutes plus tard, je parle de minutes plus tard, ils auraient aussi annoncé qu'ils se reformaient pour une reunion tour, une tournée de réunion. Moi, ça me fait rire. Génial. Moi, je comprends absolument pas. Mais on sait tous que quand les bands se séparent, ils deviennent comme tout à coup plus populaires. Ouais. Je sais pas si c'était un coup d'argent qu'ils voulaient faire. C'est comme les artistes qui meurent. Ben, je pense que c'était justement... une parodie. Peut-être une critique ou une parodie des groupes qui font... C'est ce que je soupçonne. Ouais, c'est ce que je soupçonne fortement. Et d'ailleurs, un EP au nom de Names est d'ailleurs sorti tout récemment. D'ailleurs. J'ai dit d'ailleurs quatre fois dans ma phrase. à partir de ce moment, je suis prête à vous faire entendre une de leurs chansons que j'ai vraiment beaucoup aimée. Fait partie de leur album Waited Up Till It Was Light, qui s'intitule Champagne Girls I Have Known. Faites attention parce que c'est ça part assez raide, là, mais vous allez adorer ça. Vous êtes aux tartines de Justine, c'est fou! C'était Salt, Pepper and Spinderella. J'adore dire le nom de cette chanson-là. Salt, Pepper and Spinderella. Avant ça, on écoutait Champagne Girls, I Have Known, une chanson un petit peu plus, qui brasse un peu plus. Et vous voyez un peu le genre indie rock très, très spécifique de Johnny Foreigner, avec des guitares qui se promènent. C'est génial. Je capote en ce moment. Je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. T'sais, pas que j'ai pas aimé tes autres choix les semaines passées. C'est juste moins mon genre. T'sais. C'est plus dans tes cordes. Là, c'est dans mes cordes. Faut que j'écoute ça au complet. Ouais, ben. Voilà, c'était mes tartines de cette semaine. Johnny Foreigner, c'est un groupe que j'adore revisiter une fois de temps en temps dans mon auto, quand j'écoute de la musique. Quand je suis pas en train d'écouter C'est fou, hein, j'écoute Johnny Foreigner ou du rap. Les maudits MP3 qui gâchent la radio. Non, hey, je m'excuse, mais sérieux. Je te pardonne. Délicieuse tartine, bon jusqu'à la dernière croûte, comme toujours. Oh, la dernière croûte. T'as mangé des croûtes en plus? Oui, ben tu moi, je préfère les croûtes. J'aime vraiment beaucoup les croûtes. Tu sais, comme la pizza, j'aime les croûtes. Les tartines, j'aime les croûtes. On va arrêter là. Merci, Justine. Enchantée. À bientôt. J'ai tellement liché le micro. Oh non. Ça va laisser une croûte. Je vais aimer ça. Bon. Donc, on se reverra quand on se reverra, Justine, mais love you big time. Oh, I love you too, Mr. Plant. Mr. Plant. Miss Reno. Reno, Nevada. Ah, oh, exactement. Comme la ville où les gens se marient. Oui, mais oui, mais c'est là d'ailleurs que je me suis mariée avec... Sur la salue encore. Natalie Portman. You wish. Hein? I wish. Don't wish. Elle est parfaite, ta copine. Mm-hmm. Est-ce qu'on la salue? À chaque deux semaines, on dirait qu'on la salue. Bonjour, Sarah. Sarah! Oh, Sarah! Et voilà, on la saluait à l'instant. À chaque fois que tu la salues, ma blonde a dit, comment ça se fait que tu ne me salues pas en nom? Ben oui! Salut Marie-Ève. Bon. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Bonjour Sarah. Bonjour. Ah, je salue aussi ma grand-mère qui m'a fait des volons vins hier soir. Elle en avait tellement trop fait qu'il a fallu que j'en mange pour dîner, mais là, il était tout défait, il était plus feuilleté par toutes mes volons vins. Mais je l'ai, ma grand-mère, elle m'a aussi fait une tuque vraiment, vraiment, vraiment longue. Un foulard vraiment, vraiment, vraiment long puis mince. Et avec deux paires de bas, le tout orange flash. Deux paires de bas, là? De bas. De bas. Elle t'a tricoté deux paires de boules. Je pense pas que c'est possible. Wow. Ça, c'est vraiment lesbien, deux paires de boules. Oui, ma grand-mère fait du tricot tridimensionnel. Superbe. Merci, Justine. Ça, c'est n'importe quoi. Vol au vent. Tap, tap the wind. Numéro 2, anglophone, East Road avec October Road qui monte de 4 places. Mais d'abord, on va aller écouter Damien Robitaille avec ta maman Mamadou, numéro 2 francophone. Ta grand-maman, elle me tricote des doubles boules. C'est pas mal assez fou. Oui. C'est décousu, une autre joke de laine. Ta maman Mamadou et ton papa s'en fout. Ta maman Mamadou et puis ton papa s'en fout. Hey, devine qui j'ai vu ce soir quand j'ai fait un tour au bar. Au beau milieu d'une salle comble, celle qui te mise au monde. Autrement dit, c'était ta mère qui démontrait son savoir-faire. Elle bougeait son bassin, pour elle pas de lendemain, comme si elle avait 20 ans de moins. Ses yeux qui brillaient dans le noir lui donnaient l'allure d'une cougar. Et elle me fixait comme sa proie. Avec une femme d'expérience, ou bien viens-nous vivre une aventure avec une femme d'âge mûr. Contre mon corps s'est collé et dans l'oreille me chuchoté des mots si doux, des mots si tendres. Tu feras tellement un bon gendre. Elle m'a montré ta photo. East Coast. walked up a road. Yellow fields to turning brown. It rained all week in a gray background. Just bring your guitar and some good music. We'll drive all night and feel what's magic. Hit a road to the East Coast. October Road. Et October Road, position numéro 2 anglophone, c'est ça, ça monte de 4 places. Oui, et juste avant, on a entendu Damien Robitaille avec Ta Maman Mamadou au numéro 2, qui a fait une hausse quand même de 14 places. Wow! Il nous reste seulement les numéros 1, on va se quitter là-dessus. En fait, l'émission va se terminer avec The Vaccines plus tard et leur extrait No Hope qui monte de 3 places. Et le numéro 1 francophone, c'est Yann Perrault avec Acrobat de l'éternité qui fait un bond de 9 places pour arriver au numéro 1. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi, entre 15h et 18h. Restez là pour Soir au coin du feu à partir de 18h avec Mathieu Roy. On repasse le vendredi entre 17h et 20h. C'est Skypunka qui va suivre à partir de 20h. Et on rejoue les lundis aussi à 14h. Restez là à 18h, Le Boudoir avec Alexandra Carignan et Mélissa. C'est moi, ça. Oui. Et c'est la dernière émission, je crois. Non, pas encore. Pas encore? Ah ben, Caroline, vous êtes... Pas encore! Il reste jusqu'à la dernière seconde possible. Merci, Justine Renaud. Ça m'a fait plaisir. Je vais vous revenir soit dans 2 semaines dans la récapitulationnalisation ou après les fêtes. Je suis pas sûre, là, c'est Mathieu qui va me dire ça. Bon, ben, on va voir, ça va dépendre de tes disponibilités. Ben ouais, si je suis pas hungover d'un party de Noël ou pas. Là. Ouais. On te remercie d'être venu aujourd'hui. Bon. OK? Ben oui. Correct. Merci à toi, Alexandra, aussi. Merci à toi, Mathieu Plante. Merci à vous, les palmiers. Oh là là! Puis bye, puis écoutez les numéros 1, puis savourez-les, tu sais. Ils sont bons. Avec du beurre. Oh, mais en dessous du palmarès. On recommence pas ce débat-là. Non! Pas moi ça. OK, je pars le beurre en premier pour être sûr. Attention. Chez toi, je suis en état d'un péché démentiel. Depuis toi, j'ai la bête immortelle. T'es mon plus bel accident, mon intempérie sexuelle. T'as mis le

size